Charline. Bah les garçons, bonjour quand même. Hein, ah non, mais ils entendaient rien, ils sont sous leur casque. Ah bon, d'accord. Bah pour une fois qu'ils bossent. Dis, rappelle-moi, qui est-ce qu'on reçoit là? Bah Grégory Dorcel, le producteur de films. Ah ouais, non, ok, ça va, je vois. J'imagine qu'ils sont en train de regarder l'intégrale de son œuvre, c'est je ça? Je suppose. Ouais. Aussi. Oh les garçons là, oh, on enlève le casque. Oh, oh, désolé, on était concentrés là. J'étais en pleine intrigue. Ouais, oui. Ça, je vous ai jamais vu aussi impliqué dans la préparation. Hein, ça, bah oui, bah c'est pour compenser par rapport aux autres invités. Quoi, ah, ça fait 3 jours que les DVD sont sur ton bureau et Madame n'a pas daigné les regarder. Ah, tu vas être bien ennuyé pour faire sa promo. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que j'ai lu le communiqué de presse. Ah d'accord, bah vas-y, tiens, imagine, attends, imagine, je suis Grégory Dorcel. Oh, allez, vas-y. Bah, bonjour Grégory Dorcel. Ouais, bonjour. Vous venez pour la sortie de votre dernière production, Hôtesse de l'air, hôtesse au pluriel. Oui, Charline, c'est un film que je voulais plus personnel. Ouais. Ne me dis pas que ça vous a échappé quand même. Bah non, non, non, ah, bah, on sent bien cette connaissance des avions, quoi, et du monde aéronautique. C'est vrai, mais c'est plutôt à la forme que je faisais allusion, les travelling, la lumière. Hein. Je pense, attendez, vous pouvez me contredire, mais que c'est presque un film d'auteur. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Et même un film qui prend de la hauteur hein, avec l'avion, parce que tout le monde s'envoie en l'air. Quoi. Ah, voilà, t'es coincé, t'as pas vu le film, et donc tu fais du grivois. Ah non, moi du grivois, jamais. C'était grivois. Ah non, moi tout ce que je cherche, c'est que l'émission soit irréprochable. Eh ben, ce ne sera pas le cas. Alors, si tu veux ça, soit tu regardes attentivement les films de ce monsieur. Soit tu délègues à des gens qui auraient déjà un peu d'avance dans le domaine. Voilà. Bah, très bien, bah, allez-y, bah, bossez l'invité, alors. Merci. Ah tiens, c'est lui, oui. Grégory Dorcel, oui. Ah, bon, on se réjouit, hein. Oui. Ça, non, non, non, mais vraiment, c'est pas la peine, non, je vous assure. Ouais. Non, non, tout ce qu'on veut, c'est votre avis de chef d'entreprise. Hein. C'est... Oui, très bien. Oui, merci, à tout à l'heure. Tu veux pas venir? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? S'il devait venir avec une actrice du film, je dis non. Bah non. Quoi? Ah, fallait pas me chercher. Voilà. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui passe l'actualité à la friteuse. Et voici les 3 informations qu'on va plonger dans l'huile jusqu'à 18h. L'huile très chaude aujourd'hui. Il ne se passe plus un jour sans qu'on parle des impôts. Tout le monde veut travailler plus pour déclarer moins. Et la solidarité nationale dans tout ça. Chacun trouve des trésors publics d'imagination pour optimiser. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'astuce. Une école publique toulousaine est à 2 doigts de rétablir le port de la blouse. Attention, rappelez-vous que cela a causé certains traumatismes qui se révèlent bien plus tard. Je mettrai pas cette robe. J'ai l'air ridicule. Non et non. Une bande dessinée raconte les coulisses du X, mais sans aucune image de sexe. C'est donc une BD informative. Rappelons que dans le porno, le budget costume est léger, mais ça peut quand même demander du matériel. Sinon, il y a les basiques. Le rabbit, la vaginette, le stéthogone et le produit phare de la collection, le gun à poutre. Bien. Voilà. On a perdu Charlie Manoulak. Ne faites même pas de métaphore, je vais présenter. Si je me demande ce que c'est que la vaginette. Voilà. On dirait que vous n'aviez pas entendu le son. À mon avis, notre invité pourra même vous l'expliquer. Attendez, pour s'emparer de ces infos, je suis accompagnée de celui qui surveille la double cuisson des blagues. Je l'avais écrit, autant l'affaire. Très bien. Alex Vizorek. Bon, bonjour Charlie, rassurez-vous. Non, l'objectif, je vais rassurer l'auditeur de cette émission, c'est de rester carré. Et pour ça, j'ai choisi les meilleurs autour de cette table. À 17h20, l'homme qui a eu une petite carrière dans le X, mais c'était comme dialoguiste. Ce qui explique la brièveté, les actrices se rhabillaient, vu la longueur des phrases. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler? Aujourd'hui, on va faire une immersion profonde dans un milieu, dans une bande-son, Deep Throat Anthology. C'est funky, c'est génial, et ça fait partie des mythes des compositeurs de musique de film, à un moment donné, de se frotter au genre, dirais-je. Très bien, à 17h30, celui qui a commencé sa carrière de plombier en regardant des films érotiques avec Claudia Ferrari, puis s'est tourné vers le journalisme en regardant des JT de TF1 avec Laurence Ferrari. Bonjour Guillaume Meurice. Vous êtes beaucoup trop bien renseigné. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi aujourd'hui j'ai discuté avec des candidats Front National aux élections départementales. C'est très dur pour eux car ils sont régulièrement accusés de tous les maux. Aussitôt je suis raciste, antisémite, on va où là? Voilà, antisémite, c'est un peu dur comme accusation quand même, je trouve. Et à 17h40, celle qui a commencé sa carrière en télévision sur Canal+. Mais malheureusement, c'était à la matinale. Bonjour Clara Dupont-Monod, de quoi vous allez nous parler? Bonjour Alex. Eh bien, il y a 36 façons de nommer un sexe masculin et un livre, justement, récapitule tous les noms dont on a affublé votre entrejambe, messieurs. Très bien. Voilà. Et donc, si je comprends bien, autour de cette table, personne ne va parler de la vaginette. Personne. Et je vous interdis de tomber dans la facilité. Je ne sais pas ce que c'est. Très bien. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence. Et aujourd'hui, c'est un fameux référent de la République. Vous êtes né sous Giscard. Vous rejoignez la société Marc Dorcel en 96. C'est l'année où Jean-Paul II effectue une visite en France. Et non pas chez le gynéco. Vous lancez la chaîne Dorcel TV en 2006 quand Jacques Chirac inaugure le Quai Branly. Ça vous l'avez fait. Vous produisez votre premier film X en 3D en 2010. C'est l'année du retour de Dorothée après 14 ans d'absence. Je vais vous laisser le dire parce que moi j'ai plus de souffle. Vous êtes Grégory Dorcel. Oh, Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Grégory Dorcel, chef d'entreprise, donc, parce que c'est une émission de fond, et donc on va essayer de rester carré. Et parce qu'on est resté carré toute la journée pour travailler, il n'y a pas de raison qu'on se lâche à l'antenne. Voilà. Vous, alors, votre nouvelle production. Ah, ça devait arriver. Votre nouvelle production s'appelle Hôtesse de l'air et elle est disponible à partir. Elle est déjà disponible puisque c'est à partir du 23 janvier sur dorcelvision.com et le 1er février, c'est en DVD. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu l'avenir d'un film, une fois qu'il sort maintenant, c'est sur de la VOD et puis du DVD ? Parce qu'avant, il n'y avait pas une projection quelque part sur les champs. Alors, si, c'est quand même Dorcel, quoi. On s'en souvient peu, mais avant, début des années 80, il y avait encore des salles de cinéma X et 30% du chiffre d'affaires du cinéma français était réalisé par les films X. Donc on a oublié un petit peu. On est en quelle époque, On est fin des années 70. Été 77, il y a plus de 50% des salles de cinéma sur les Champs-Élysées qui projetaient les films X. On a oublié tout ça. Et contrairement à tout ce que l'on peut dire, le sexe a complètement disparu de la sphère publique. Et avant, il était présent, ça choquait personne. Ouais. Et voilà, regardez un défilé de Giscard à 14 juillet. Vous allez regarder ce qu'il y a derrière lui, vous allez vous marrer. Il n'y a que des 4x3 de films porno. Avant, c'était 30% du chiffre d'affaires des entrées en salle. C'est propre à la France parce qu'en Allemagne, par exemple, c'est plus... En tous les cas, nous, chez Marc Dorcel, on est présent sur une cinquantaine de pays. On considère que la France est le pays occidental le plus conservateur. C'est vrai ? Très loin. Contrairement à tout ce qu'on veut bien dire, regardez la télévision. En télévision, il ne peut plus y avoir le moindre bout de sein qui dépasse, le moindre sexe, etc. Il y a même une émission où ils sont tout nus et où les sexes sont floutés en ce moment. Exactement. Regardez, Colari Coco Boy, c'était diffusé dans les années 80. C'est sur une chaîne publique qui était TF1. Regardez quand on était petit. Le samedi, 19h45. Juste avant le JT, vous aviez une fille qui faisait un striptease devant la France entière. Il y avait la Plémette. Et ça choquait personne. Aujourd'hui, il y avait Bénil. Il y avait Bénil le dimanche soir. Voilà, il y a même Véronique et Davina qui prenaient leur douche le dimanche matin. C'est vrai. Tout ça, voilà. Les publicités. 4x3, c'est Gayla avait lancé Demain, j'enlève le bas. Essayer de faire une pub comme ça aujourd'hui, c'est impossible. Le sexe a complètement été banni de la sphère publique. Et alors que le discours prégnant, c'est tout l'inverse. Le sexe est partout, c'est horrible, c'est abominable. Non, non, le sexe a été banni. De faire revenir Gainsbourg aujourd'hui, ça nous arrange oui et non. Parce que les gens ne voient pas du sexe comme ça sur leurs grandes chaînes, ils peuvent se retourner vers vous. En étant sérieux deux secondes, ça pose un vrai problème de société. D'un côté, on ne peut plus du tout parler de sexe et on ne peut plus du tout rien montrer d'érotique dans la sphère publique. C'est banni, donc on n'en parle plus. Et à l'inverse, dans la sphère privée, c'est-à-dire dans les foyers, dans le domicile, vous avez Internet qui, lui, est complètement hors de contrôle et donne accès à tout et n'importe quoi. Et la conséquence, c'est que vous avez des gamins qui, d'un côté, sans aucune information, sans aucune règle, sans aucune compréhension de ce qu'est la sexualité en général, a accès à tout et n'importe quoi de l'autre côté. Et ça donne effectivement une incompréhension et un dysfonctionnement, nous, on trouve, en tous les cas, dans la société. Et clairement, on est allé dans un conservatisme aujourd'hui en France, dans cette sphère publique, qui a dépassé, à notre sens, toutes les bornes. C'est-à-dire que l'érotisme aujourd'hui est quelque chose d'abominable, horrible, qu'on doit cacher. Vous regardez aujourd'hui 50 Shades of Grey, qui est un événement en soi. Mais vous regardez les valseuses à côté sorties dans les années 70, vous rigolez. Le fossé est béant. Nous sommes avec Grégory Dorcel. N'interprétez pas tout ce que je dis comme ça pendant toute l'heure, parce que sinon on va pas s'en sortir. Le nouveau film, c'est Hôtesse de l'air. Il est disponible sur dorselvision.com. Je vous fais le pitch. Hein. Lassé par un quotidien qui ne leur apporte plus le moindre frisson, poussé par leur insatiable soif d'aventure et de rencontre, Claire et Lola vont se faire un devoir de jouir et de faire jouir. Vêtus de leur excitant uniforme, de leurs bas et de leurs talons hauts qui auront tout fait de séduire de riches et vigoureux hommes d'affaires. Et vous êtes sur France Inter, youhou, jusqu'à 18h. Alternatif de Brooklyn, c'est MGMT qui chante Kids sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Grégory Dorcel et aujourd'hui c'est la journée mondiale de la lutte contre l'exploitation sexuelle. Mais on n'a pas fait exprès, on tient à le signaler. Alex, qui est autour de cette table? Autour de la table, et bien André Manoukian, Guillaume Meurice et Clara Dupont-Mono qui nous dira les nombreuses façons dont les grands auteurs ont parlé de leur entrejambe. Mais là tout de suite Alex, c'est le moment de la première revue de presse en tandem. On ne sait jamais où on va, mais en tout cas on pédale. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence avec François Hollande qui a rencontré les lecteurs du Parisien aujourd'hui en France. Exact, et c'est toujours un beau moment quand l'élite reçoit la plèbe. Les gens étaient très contents et ont passé une belle après-midi à l'Élysée. Il était à l'écoute, il a bien expliqué, chaleureux. Séduisant. C'est quelqu'un de très, très humain, qui répond vraiment à toutes nos questions. Il a pas... Enfin, il a été honnête. Il a été honnête, voilà. C'est Mélanie qui le dit. Donc, et alors, il y en a même certains à qui il a fait changer d'avis. J'ai trouvé le président plutôt dynamique. Je m'attendais à avoir quelqu'un d'un peu mou. Au contraire, j'ai été surpris par cet aspect-là. Lui, il est venu pour rencontrer un mou. Il était très déçu parce qu'un type dynamique, c'est Lucas qui nous l'affirme. Et une dame, tout à l'heure, vous avez entendu dans le premier son, a dit qu'il était séducteur. Ça, c'est assez normal, sauf que... C'est un grand séducteur, hein. Donc, il a une capacité assez forte à échanger avec les gens, les hommes comme les femmes. C'est donc un grand séducteur selon Sébastien. Il est prêt à tout. C'est peut-être un bon profil pour vous, ça, Grégory Dorcel, comme ça, un type. Je touche pas à ça. Voilà, j'aurais proposé. Mais revenons à Lucas. Donc, on l'a entendu tout à l'heure, il est employé à Euro Disney et il lui a posé au président la question. Je lui ai demandé s'il comptait officialiser sa liaison avec Julie Gayet. Il n'a pas souhaité répondre, il ne souhaite pas parler de sa vie privée, ce que je respecte, il veut protéger son jardin secret. Voilà, on n'en saura rien, sauf qu'à la fin, le président a fait une petite blague sur le perron de l'Élysée. Tendez l'oreille. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. À Euro Disney, quand on fera l'opération, il se gausse d'officialiser son union à Euro Disney. Est-ce qu'il y aurait de la pique dans l'heure hein? Non, Alex. Vous voyez le mal partout, c'est vrai, vraiment. C'est vrai, je suis désolé. Venons-en plutôt à ce meilleur apprenti de France, un jeune menuisier de 19 ans. Oui, et il a bien reçu aujourd'hui sa médaille au Sénat, mais ça a failli ne pas se faire, puisque Armando Curi est un sans-papiers albanais. Oui, mais on parle déjà de le régulariser. Bien sûr, hein, ce qui me permet donc de rappeler les règles de régularisation en France. Soit vous cachez des gens dans une chambre froide lors d'une prise d'otage, soit vous devenez meilleur apprenti de France, soit vous dirigez les jeunes UMP pendant quelques mois. Sinon, sachez que votre dossier a beaucoup moins de chances d'aboutir. Merci, merci pour cette information de service public. Bien sûr. Et on termine par la Belgique. Oui, à Verviers, où un employé d'un grand magasin a trouvé de la cocaïne dans un œuf Kinder Surprise. Ils sont forts en marketing, Kinder. Allez, avec vous, Grégory Dorcel, on va aborder le premier sujet d'actualité parce que, bien sûr, il y a Hôtesse de l'air qui est sorti le 23 janvier sur dorcelvision.com et depuis le 1er février en DVD. Est-ce qu'il y a d'autres supports pour les Hôtesses de l'air que le VOD ou la DVD? Oui, bah déjà, les DVD, vous pouvez les commander aussi sur nos sites en ligne, mais au-delà de ça, de la télévision, les chaînes... Évidemment, Dorcel TV. Dorcel TV, tout à fait. Le magazine Dorcel que vous trouvez dans tous les bons kiosques de France. Ah oui, parce que récemment, on a retrouvé le plus vieil acteur porno de France. Oui, hein. C'était sur Haute Vidéo TV, 94 ans. Il n'est pas dans nos films. Ouais. Allez, avec vous, le premier sujet tout à fait sérieux de cette émission, Grégory Dorcel. Depuis que le mot ras-le-bol fiscal a été lâché en 2013, c'était la fin de l'été, c'était Moscovici. Il a dit, je comprends les Français, leur ras-le-bol fiscal. Et bien depuis ce moment-là, on n'arrête plus de parler des impôts tous les jours, de ceux qu'on paye, de ceux qui échappent, de ceux qu'on optimise. Bref, c'est l'obsession fiscale. Je t'offre un pot. Et oui, un pot. Impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et impôts indirects, impôts fonciers, impôts rentiers, impôts sur les grandes fortunes, impôts même si t'as pas de thunes, impôts sécheresse, impôts richesse, impôts nouveaux, impôts rétro, impôts recto, impôts verso, impôts sur le revenu, impôts sur les revenants. C'est un dossier à la une de l'Express cette semaine et dans ce gros dossier, notamment Jean-Paul Delevoye, par exemple, qui est président du Conseil économique, dit « Derrière l'impôt qu'on refuse de payer, il y a le rejet d'une politique collective de solidarité. » Alors, est-ce que vous êtes solidaire, Grégory Dorcel? Est-ce que l'entreprise paye beaucoup d'impôts jusqu'elle en paye trop? Ou il y a cette conscience de la solidarité quand même? Non, mais par définition, une entreprise et une entreprise profitable payent... pas mal d'impôts, et donc est forcément très solidaire. Déjà, le premier geste de solidarité d'une entreprise, c'est tout simplement d'avoir des collaborateurs, de leur offrir un salaire et de faire vivre les familles qu'ils ont derrière. Vous avez combien en échange, elles travaillent, hein. Ils travaillent, les gens, c'est un cadeau de leur bien fête. Bien entendu, mais enfin, ensuite, après, chaque entreprise, enfin voilà, une entreprise responsable, elle essaye autant que possible d'assurer une vie correcte à ses salariés. Voilà, nous, je pense qu'en enfin, tous les cas, et surtout, nous, effectivement, Dorcel, c'est une PME d'une cinquantaine de personnes, et une PME, même quand elle est dans notre secteur d'activité, il y a des valeurs qui sont peut-être différentes de groupes, etc. Il y a une dimension, en plus chez nous, c'est très particulier, une dimension familiale. Comment va votre papa? Donc, il va très bien. Ah, écoutez, d'ailleurs, salue, il vous salue. Hein. Voilà, qu'il nous écoute. On l'embrasse. Il transmet ses héritiers. Non, mais au-delà de ça, je pense, moi, en tous les cas, que la première valeur, effectivement, enfin, les premiers gestes de solidarité d'une entreprise, c'est de prendre soin correctement de ses salariés et de savoir qu'il y a des familles derrière. Et voilà. Après, au-delà de ça, c'est sûr qu'une entreprise. Alors, nous, en plus, dans le X, c'est un petit peu un discours paternaliste de la fin du 19e, quand même. Bah, peut-être, chacun gère ses entreprises. Alors, disons qu'on gère, nous, de façon un peu arriérée, notre entreprise. Et on a cette vision un peu paternaliste de l'entreprise et du 19e, mais c'est alors, comme ça. Moi, je suis très 19e aussi. Mais voilà. Le marché du sexe, il y a quand même une spécificité du produit, hein, ça, on va le dire. Le marché du sexe subit l'impact aussi de la crise et du pouvoir d'achat. Ouais, il y a une spécificité aussi, surtout en matière de taxes aussi. On a une belle taxe de 10% complémentaire, comme une TVA supplémentaire de 10%. Ce que vous ne savez pas, on appelle ça la taxe sur la masturbation. Globalement, c'est ça. Ah bon, c'est 10%, vous avez une TVA. Ouais, il y a 10 points de TSA, c'est taxe sur l'audiovisuel. Voilà, pour tous les produits audiovisuels classiques, c'est 2%. Pour le porno, c'est 10%. Personne ne le sait, ni les consommateurs, ni du CNC. Ah non, mais justement, c'est que nous, ce qui est très très drôle et assez cynique, c'est que cette taxe nous est collectée à nous, entreprises, pour aller alimenter les fonds du CNC. Mais bien sûr, il serait complètement fou d'aller demander quoi que ce soit au CNC comme aide et comme retour. Alors que vous produisez des films de genre, il faut le rappeler quand même. Exactement. Il y a des films d'auteurs qui sont produits grâce à votre taxe. Bien évidemment. C'est génial. C'est génial. Je vais continuer à regarder. Voilà, vous voyez qu'on apprend des choses quand même dans cette émission. Mais la loi Macron, du coup, ça vous réjouit rapidement. Est-ce que ça vous réjouit? Toute la politique aujourd'hui qui est faite prétendument en faveur des entreprises, est-ce que ça, pour le coup, ça vous rend optimiste ou vous vous dites c'est encore la même rengaine et ça va rien donner? Mais de toute façon, à partir du moment, effectivement, nous, personnellement, mon métier, c'est d'être entrepreneur et de développer une entreprise, d'en assurer la pérennité et du tout le petit monde qui travaille autour de ça, d'embarquer tout le monde dans un bateau qui soit qui avance le plus maintenant possible. Maintenant, vous êtes en bus avec Macron, hein, le bateau. Oui, on est en bus, c'est vrai. Mais bon, donc tout ce qui va dans le sens du progrès, enfin de l'entreprise, en tous les cas, forcément, me réjouit et me convient. Ne serait-ce que déjà pour l'avancée des mentalités. Je crois qu'on a fait pas mal de chemin ces dernières années. Avant, l'entreprise, c'était quelque chose d'abominable, de banni, etc. Maintenant, on commence à comprendre qu'il faut peut-être se soucier un petit peu, effectivement, de la santé des entreprises en France. Il y a eu, en ces 3-4 dernières années, au travers de tous les différents événements qu'on a vécu, je trouve, en tous les cas, une perception des Français qui a énormément évolué quant à ça. Déjà, qu'on puisse parler de ras-le-bol fiscal, on disait ça, et on se posait, ne serait-ce que la question de savoir s'il n'y a pas trop d'impôts en France, je trouve ça, c'est déjà fantastique en soi. Bon, maintenant, c'est le chef d'entreprise Grégory Dorcel que nous recevons aujourd'hui. Et depuis qu'il sait que vous êtes là, André Manoukian transpire considérablement de la moustache. Et pour s'en remettre, il va nous parler de musique. Voilà, on va explorer cette industrie du film porno. Ou plutôt, est-ce que c'est un art, est-ce que c'est une industrie, du côté musical de la chose. Allez, on commence tout de suite. When she wakes up in the morning. When She Wakes Up in the Morning, voilà. Là, on est dans l'âge d'or, les années 70, et la musique, et c'est l'âge d'or de la musique aussi, c'est funky, quoi. Le film, c'est Deep Throat, vous vous souvenez, hein? Voilà, je traduis pas parce qu'il y a peut-être des enfants qui écoutent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on est dans l'âge d'or encore une fois. On est dans gorge profonde, c'est pas un gros mot. Voilà, c'est pas un gros mot, surtout que c'était le nom des indicateurs des deux journalistes du Watergate, exactement. Il y avait aussi des films comme Le Sexe qui parle, qui était assez. Donc il y avait de l'invention, il y avait de l'imagination, et musicalement ça tenait la route. Alors on était toujours dans une imitation d'un funk. On est aussi dans une année où il y a la Black Exploitation qui part à fond. Et là il y a Black Exploitation, pardon. Ouais. Et alors c'est l'émotion, c'est pour ça. Et donc on est dans un sous-genre, c'est-à-dire qu'on est dans une musique funky qui est un petit peu dérivée. Là on va écouter le deuxième titre. Deeper and Deeper, donc, s'appelle cette chanson. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on peut prendre n'importe quelle musique. À partir du moment où tout d'un coup, on s'imagine que c'est une musique d'illustration d'un film porno, elle prend une autre, elle prend une autre connotation. Hein, fermez les yeux, Clara. Mais oui, ça fait un tout petit peu rêver. Alors là, on va avoir un chant qui va venir. On a des arpèges, parce que... Important les arpèges dans les films. Pourquoi ? Parce que c'est l'arpège, c'est la métaphore du plaisir qui monte. C'est pas vrai. Et qui monte et qui monte. Là, on va voir une autre maintenant. Mélodie d'amour chantant. Ah, ça, c'est la version française. Emmanuel. Et tout de suite, oh non, c'est, c'est un autre style, quoi. C'est beau. Hein, c'est beau. Ça vous fait rêver. Ah ouais. Bah, évidemment, mais sauf que, alors, bizarrement parlant, c'est Pierre Bachelet qui va s'y coller, c'est-à-dire le chanteur le plus gentil qui soit, le plus. Et celui qui fait les bronzés, un peu romantique la musique des et bronzés, tout. Et puis, il a fait Honor et Télécoron. Et puis, voilà. Alors, ça, souvent, ça arrive dans la carrière d'un musicien. Le problème de l'industrie du film X, c'est qu'il n'y a pas les vrais budgets de cinéma. Alors, on demande souvent à des compositeurs s'ils sont OK pour jouer, et en général, il faut tout faire un petit peu soi-même. Alors, c'est aussi pour ça que ça peut avoir de temps en temps des connotations cheap, puisque dès que vous avez un clavier et une petite boîte à rythme, bah, vous allez être sollicité. Moi, par exemple, j'ai commencé en faisant des films industriels, mais Grégory Dorcel ne m'a jamais appelé. C'est juste un copain, une fois, qui m'appelle en se faisant passer pour lui, en me disant on a un casting, et on n'a pas beaucoup d'argent, vous êtes payé en nature. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors j'ai réfléchi 5 minutes, mais c'était mon meilleur pote qui me faisait une blague. Bref, revenons à Emmanuel de Pierre Bachelet. On est dans le contrepoint. C'est l'érotisme à la française qui est toujours un petit peu plus chic, et il faut qu'il y ait un petit peu de romantisme quand même. Alors là, maintenant, on va rentrer dans... On va des films érotiques, puisque finalement, tout est dit. Encore une fois, la musique d'un film porno... hélas, de temps en temps, est un petit peu cheap à cause des moyens qui ne sont pas mis complètement. On va passer des musiques de films porno aux musiques érotiques, aux chansons, et on va découvrir avec ravissement que des grands chanteurs s'y sont mis. Attention, c'est plus des musiques de films de cul, c'est des sujets qui parlent de ça. Et le premier, une c'est... femme honnête n'a pas de plaisir. Mais Jean Ferrat. Vous vous souvenez pas? C'est magnifique. Et écoutez ce qu'il dit. Qu'elle soit couchée où je nous enterre, point d'égarements, un puissant soupir. Alors, là, il utilise les codes des films de porno aussi. Un autre code, c'est la musique baroque, le clavecin, puisque il y avait beaucoup. Vous avez fait beaucoup de films costumés aussi, Grégory. Les dentelles et les châteaux, voilà, c'est la marque d'Orsay. Le fantasme, la duchesse, les belles robes, les crinolines. Vu que j'ai travaillé le dossier d'Orsay, moi, cet après-midi. Et puis le côté, encore une fois, baroque et la cour de Louis XV qui était le plus. Clara, ouais. Aidez-moi un petit peu. J'adore vous voir barboter. Le plus d'orsay, voilà. Vous noyer. Merci. C'est délicieux. Alors maintenant, on passe une autre chanson qui serait impossible aujourd'hui. Sur la piste glacée de la boîte de nuit à Montpellier. Petite quiz. Avec j'adore faire des quiz. Quel âge peux-tu avoir? 16 ans. Ah, Jean-Luc Lahaye. Non. Pierre Vincilieu, on est en pleine années 70. Il n'y a que des moustaches. Vous vous rendez compte? Mais voilà, c'est aujourd'hui impossible de sortir une chanson pareille. Alors tout ça a commencé grâce à lui. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Bah oui. En fait, c'est le premier qui pose vraiment le sujet sur la table. Et du coup, cette chanson est quasiment révolutionnaire à l'époque, puisqu'auparavant, on utilise des métaphores, mais jamais la chose est dite de cette manière-là. Alors évidemment, derrière, on a ça. Je t'aime, je t'aime. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que même le Vatican va s'en mêler. C'est un tollé dans le monde entier. Le clip est super mignon aujourd'hui. On voit Serge Gainsbourg, Jane Birkin sur la place du Trocadéro avec une belle tour Eiffel qui est derrière eux. Symbole phallique évident. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que l'instrument principal de cette chanson, c'est l'orgue. Et Serge Gainsbourg commence avec une tierce. Et la tierce, au Moyen-Âge, eh ben, c'est l'intervalle interdit parce que jugé beaucoup trop sensuel. Donc, sans le savoir, Gainsbourg utilise un orgue en jouant un petit peu les accords du diable. Et ça va énerver effectivement le pape. Alors, avant, on a ça aussi de Maître Gainsbourg, bien sûr. Là, on est dans le détournement total. Il paraît qu'elle a jamais... Enfin, bon, je crois que maintenant, elle a pigé. Elle a pigé maintenant. Déshabillez-moi. La grande Juliette, bien elle sûr. Elle la chante encore, en elle disant, je ne devrais plus la chanter. Elle la chante encore. C'était une chanson qui était faite pour une effeuilleuse. Et puis c'est elle qui l'a dit, il n'y a pas de souci, j'assume. Encore une. Les dessous chic, c'est ne rien dévoiler du tout. Là, on est en plein dans l'univers de Grégory Dorcel, puisque, encore une fois, il y a des efforts dans les films porno, puisque la partie la plus érotique d'un film de cul, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand elle va se déshabiller, l'actrice. Alors aujourd'hui, sur Internet, tous ces passages sont sautés. Et puis, un dernier truc, un dernier petit chef-d'œuvre qui fait que je transpire de la moustache en ce moment tous les jeudis, puisqu'elle est assise à côté de moi, et c'est une des plus belles chansons érotiques qui a été faite ces derniers temps. Le compositeur s'appelle Benjamin Biolay, et la chanteuse... Rien ne dure au-dessus de la ceinture. C'est beau, hein? C'est très beau. T'es Élodie Frégé. Merci André Manoukian. Vous avez sérieusement préparé. Oui. Et dites-moi, Grégory Dorcel, votre papa, musicien aussi, non? Est-ce qu'il également, est... Bah oui, il écrit des musiques pour les films. Ouais, il a composé pour les films. Ouais, si vous aviez bien travaillé jusqu'au bout, André Manoukian, vous l'auriez su. Bah, c'est pour ça qu'il m'a jamais appelé, parce qu'il a... non, c'est vrai, votre papa Marc Dorcel a écrit des musiques. Maintenant, il faut prendre la relève, hein, compte sur vous. Voilà, ce qu'il dit sur les moyens alloués aux musiques, c'est vrai? Mais évidemment, enfin, c'est pour ça que Marc les écrivait tout seul. Le budget chez Marc Dorcel, qui a les budgets les plus conséquents du X dans le monde, un gros budget de film X, c'est 100 000 euros. Voilà, en même temps, vous économisez vachement sur les scénaristes. Donc, 100 000 euros quand même, aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Ouais. La moyenne chez nous, toujours, est à peu près à 50 000. Et quand chez nos petits concurrents, ça tourne autour de 5 000 euros. Donc, c'est-à-dire que quand vous disposez 5 000 euros pour faire un programme de 90 minutes, c'est que la part consacrée à la musique est forcément et donc, un peu réduite. Pour la prochaine fois, André Manoukian, vous ferez une analyse des musiques de Marc Dorcel, compositeur. Ah oui, pour une prochaine fois, on note ça à l'agenda, bien sûr. Guillaume Meurice, vous aviez le crachoir. Mais oui. Bah écoutez, ça tombe bien. Je le garde. Vous pouvez le garder. Allez, très bien. Moi, je vous ai parlé des enfoirés hier. Je vais vous parler des candidats du Front National aujourd'hui. N'y voyez aucun lien, hein. Vraiment. Non. Je suis pour la paix et la tolérance. C'est vrai que dès qu'on parle Front National, tout le monde s'excite un peu. Alors, je vais commencer calmement en musique. J'ai choisi de vous diffuser un extrait d'une chanson d'un certain Xavier Sainty, candidat au départemental dans l'Allier pour le Front National. La chanson s'appelle « Hymne à Marine ». Ô divine Marine, ô visage d'un ange, le budget pas énorme. Fais lire la détresse dans nos cœurs malheureux, ton amour est si grand. Guéris nos France, de catéchisme. Voyons notre avenir dans c'est le bleu de tes yeux. Oh, c'est beau. Voilà. Alors, bon, la chanson... Bah à côté des enfoirés, c'est du Mozart. Ah, c'est sûr. La chanson n'a pas connu un grand succès. Alors, vous allez me dire, c'est normal, c'est de la merde. Non, vous voyez, comme vous êtes mesquin, je vous arrête tout de suite. Ça n'a rien à voir avec ça. Voici les explications de Xavier Sainty. Un producteur juif, il m'a dit, si t'es pas juif, tu perceras jamais dans la chanson. Parce que nous, les juifs, on a l'argent, on a les médias et on a le gouvernement à nos pieds. Il vous a dit ça à vous? Et voilà, j'ai reporté ses propos. Je vois pas le mal qu'il y avait en disant la vérité. Vous croyez vraiment que vous percez pas dans la chanson parce que vous êtes pas juif? Mais je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis encore dans l'innocence à l'heure actuelle. Vous savez pas? Non. C'est potentiellement pour ça. En plus, que qu'on me traite d'antisémite, attendez, mais c'est grave, j'ai des amis qui sont juifs. Ah oui, forcément, c'est le classique, hein. Je ne suis pas raciste, j'aime le couscous, je ne suis pas homophobe, je vais chez le coiffeur, voilà. Hein, bon. En fait, Xavier serait victime d'un complot juif qui a pour but de l'empêcher de devenir le nouveau Franck Michael. Mais ce n'est pas le seul complot dont il est victime, écoutez cette petite anecdote. Il y avait un concours de chant. Et on m'avait inscrit, c'était André Manoukian qui venait faire le concours de chant à Thiel-sur-Acolin. Ah bah attendez, hein, il est dans notre émission André Manoukian, alors dites-moi. Où ça? Oui, eh bien moi j'ai payé l'entrée et tout pour aller chanter. Et quand c'était le moment d'y aller, j'ai été refusé, comme d'habitude, bien sûr. Mais par qui? Voilà. Par André Manoukian? Ah bah sûrement, oui. Bon? Ah bah oui. Ah, et ben bravo André. Donc le complot arménien en veut aussi à ce pauvre Xavier. Bon, c'est vrai qu'avec le Front National, c'est souvent la faute des étrangers. Par exemple, des Roms. J'en ai parlé avec François Elie, candidat Front National à Dourdan, dans l'Essonne. Je sais très bien faire la différence entre des Roumains et des Roms. Comment vous faites? Il n'y a pas de souci, écoutez, ça saute aux yeux. Ben non, mais comment vous faites? Moi, je ne sais pas, en vrai. Ben écoutez, ben, moi, je sais ça, il faut être sur le terrain et puis voir. Et vous verrez très bien la différence qu'il y a. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques, les Roms? Je ne peux pas vous dire, ben, un Rom, c'est comme ça, un Roumain, c'est comme ça. Voilà, c'est comme si je vous dis la différence, par exemple, entre un Corse et un Breton, il y a quand même une différence. Ah bon, physiquement, vous arrivez à reconnaître? Ben, tout à fait. Ah bon? Tout à fait. Ben non, écoutez, ben, c'est aussi mon métier que c'est ça. Ah bah oui, vous êtes policier. Ben voilà. Eh ben oui, il est policier, c'est quand même vachement rassurant. Ouais. Enfin, c'est rassurant si vous n'avez pas, selon lui, l'apparence d'un Rom. Rappelons que Roumain, c'est une nationalité, alors que le terme Rom fait référence à un ensemble de populations. Donc, il y a des Roumains Roms, comme il y a des candidats FN qui ne font pas d'amalgame. Ah, c'est pas la majorité, mais il y en a. Bon, après, François Elie, il a plein d'idées pour son département. Par exemple, supprimer le RSA aux délinquants. Moi, je dis, mais s'ils sont déjà délinquants, ils n'ont pas besoin du RSA. Ils ont déjà des côtés, entre guillemets, à nos travailleurs. Ah d'accord, donc vous voulez conforter les gens dans la délinquance? Non, pas du tout. Ils sont déjà délinquants multirécidivistes. Donc vous leur supprimez le RSA pour qu'ils restent délinquants multirécidivistes. Mais d'un côté, ils sont déjà délinquants multirécidivistes. Et oui, on imagine bien le délinquant multirécidiviste à qui on enlève le RSA se dire « Ah, les salauds! Bon, bah tant pis, j'arrête la délinquance. Je vais aller faire les 3-8 chez Peugeot. Merci, François. » Car au FN, ils n'aiment pas non plus les assistés, surtout s'ils sont arabes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur un document partagé sur Facebook par Frédéric Richoux, candidat Front National à Bordeaux. J'ai partagé, j'ai fait suivre. Mais ça dit quand même France, Fédération des réfugiés arabes nourris par les caisses de l'État. Ben, c'est pas moi qui l'ai mis. Mais c'est vous qui l'avez partagé? Oui, parce qu'on me l'a partagé. Mais vous êtes d'accord avec ça? Moi, je le dis franchement, oui. Ah, ben c'est bien d'être honnête, Frédéric. Au moins, les électeurs FN savent pour qui ils votent. Merci pour votre franchise. Reconnaissons qu'il n'est pas le seul à propager ce genre de choses. Selon lui, des milliers de personnes auraient diffusé le même message. Vous allez regarder le nombre de partages qu'il y a eu. Donc on est tous des racistes antisémites. Ah ben je sais pas si tout le monde est antisémite. Eh oui. Mais c'est pas impossible qu'il y ait 8000 racistes en France. C'est pas impossible. Eh oui, c'est pas impossible. Des racites même, on pourrait dire à ce moment-là, hein, si on change les S de place. Bref, c'est pas impossible qu'il y ait un bon paquet de xénophobes en France, et notamment dans les rangs des candidats du Front National. Merci Guillaume Meurice. Nous sommes en compagnie toujours de Grégory Dorcel et on va aborder avec vous le deuxième sujet. Les parents d'élèves d'un collège public à Toulouse se sont prononcés aux deux tiers pour le port de la blouse. On a interdit le voile, mais on va remettre la blouse. Donc comme ça, l'industrie textile va bien. La réflexion se poursuivra comme ça, quand même jusqu'au printemps. Donc si la blouse fait son retour, ce serait une première dans un établissement public toulousain depuis la fin des années 60. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie... Eh oui, retour aux années 60 donc. Mais voilà la raison. Dans ce collège, la mixité sociale s'est accentuée, ce qui est une bonne chose, c'est positif. Mais certains enfants souffrent parce qu'ils ne peuvent pas s'habiller avec des vêtements de marque. Et c'est vrai que ça cause vraiment des gros soucis. Et cette mesure de la blouse est donc destinée à gommer les inégalités sociales. Et donc on s'est dit ce matin, en étudiant ce sujet, c'est fou parce qu'il y a des raisons de droite et comme des raisons de gauche, c'est-à-dire sociales, ou enfin plutôt d'extrême droite, hein, même de remettre la blouse au départ. Parce que ça se fait aussi, c'était aussi une idée de Robert Ménard à Béziers, pour d'autres raisons sans doute, un peu inspiré du Troisième Reich. Hein. Mais ici, c'est le plutôt pour les... Attention. Plutôt pour les... Ici, c'est plutôt pour les gommer les inégalités sociales. Alors, est-ce qu'il y a du pour et du contre, finalement, dans la blouse? Vous trouvez ça extrêmement conservateur, Grégory Dorcel? Nous, chez Marc Dorcel, on est à fond pour la blouse. Je ne sais pas après ce qu'il y a en dessous, mais... C'est pourquoi je m'en doutais. Oui, parce que oui, ça, y a, ça c'est un élément, c'est un des seuls éléments textiles éléments dans les films. Fantasmatique, etc. C'est clair, mais... Là, c'est quand même pour les enfants, donc... Oui, mais s'il y a plus de règles pour nous, c'est terrible. Plus il y a de règles, plus il y a de transgressions, donc voilà. Mais oui. C'est une bonne analyse. Oui. En fait, si on a la blouse, on peut la recustomiser, on peut s'amuser, c'est vrai. Hein. Oui, ce qui est intéressant dans cette idée du collège Fermat, c'est que la demande est venue des élèves. Eh oui. Se disant eux-mêmes soumis à la tyrannie des marques et disant que ça crée des tensions du coup dans la cour de récré. Ils sont pleins de lucidité, c'est extraordinaire. Voilà, on a répondu au sujet, donc moi je vous laisse le micro. Clara Dupont-Monod. Allez, efficacité. Écoutez, on a un chef d'entreprise, avec lui c'est carré, bim, c'est parfait. Hein. À vous, Clara. Oui, parce que l'actualité, Charline, bah donc c'est notre invité, Grégory Dorcel, et puis son aire de jeu, donc le sexe. Alors, il se trouve que la littérature, qui est une grande dame coquine, adore le sexe. Elle a des allures de grand boudoir parfois, parce qu'il y a qu'à regarder le nombre de textes censurés dans notre patrimoine littéraire, et il y a qu'à regarder aussi la joie avec laquelle le langage s'est emparé du sexe. Il y a un vocabulaire lié au sexe qui est très truculent. Et il y a justement un livre qui vient de sortir, qui a recensé et qui a étudié tous les noms donnés au sexe masculin. Et ce lexique littéraire brûlant, il s'appelle « Les mots qui font mal ». C'est signé Jean Fexas et Emmanuel Pierra. Alors, déjà, bonne nouvelle pour les membres attentifs de Oser le féminisme. Pour désigner le sexe, il y a parité. Il y a autant de mots pour nommer le sexe féminin que pour nommer le sexe masculin. C'est déjà ça. Côté féminin, la langue française dit berlingot, nénuphar, salle des fêtes. Salle des fêtes, voilà. Bah, si, nénuphar. Chatte, fente, abricot, ça d'accord. Sans oublier, écrivent les auteurs, les très convenables mais ennuyeux vagin et clitoris. Il y a un côté médical. Un petit peu, science, biologie, cours de troisième, alors que les autres sont un peu plus festifs. Vous êtes très investi, André, là. Du côté des messieurs, c'est un peu pareil. On va du plus trivial au plus imagé. On a, alors, grand classique, le dar, la queue, la bite, etc., mais qui côtoient la chipolata, la clarinette, le chauve ou la petite jambe. Vous noterez le registre culinaire des deux côtés, puisque pour les filles, on a donc berlingot ou abricot, pour les garçons, on a chipolata, saucisse, macaroni ou carotte. En règle générale, le sexe dans la langue française est très souvent associé à la nourriture. On dit dévorer des yeux, on dit une fille appétissante, on dit manger de baiser ou passer à la casserole. Donc les deux sont assez liés. Cela dit, le sexe masculin est également lié au registre de la guerre, ça n'étonnera personne. Il est glaive chez le marquis de Sade, il est aussi poignard, javelot, braquemar ou arc, que l'on bande évidemment, souligne les auteurs. C'est quoi le braquemar comme arme, Clara ? C'est une petite épée. Oh, je ne savais pas. C'est ça. Rouler des yeux innocents, ça ne marchera pas. Le premier qui s'en donne à cœur joie dans la dénomination du pénis, c'est Rabelais. 1534, il écrit Gargantua, et là, festival, je vous livre un échantillon, je cite, « L'un la nommait ma petite dille, l'autre ma pine, l'autre ma branche de corail, l'autre mon bouchon, mon vilebrequin, ma pendiloche, ma petite andouille vermeille, ma petite couille bredouille. » Vous êtes bien donc sur France Inter. C'est du Rabelais, ma petite couille bredouille. Voilà, ma petite couille bredouille, c'est Rabelais Gargantua. Génial. Mais oui, mais c'est que ces messieurs, ils aiment leur zizi, qu'est-ce que vous voulez ? Ils l'aiment parfois plus que nous, les filles, Charline, ça vous. Hein. Il est fidèle. Oui, c'est ce bravo. Bravo. Alors déjà, il donne un nom, Popole ou Jean sans tête. Paul et Jean, mais Jean, c'est dans le livre, Jean sans tête. Personne ne fait ça. Ah bah écoutez, c'est dans le livre, Jean sans tête. Je connais des garçons, ils ne font pas ça. Oui, et vous noterez que Paul et Jean, en plus, sont des noms d'apôtres. Ça en dit très long. Alors, il l'aime aussi au point de l'appeler par des mots doux, des mots flatteurs. Et ce livre exhume des textes qui en disent long. Déchargez votre potolée, ô laitière charmante. J'ai mon violon tout prêt qui vous rendra contente. Oh. Ah, fredonne-t-on au XVIIIe siècle et au XXIe quand on passe une soirée avec André Manoukian. Au XIXe siècle, on chante. Mon petit frère est très convenable. Quand il entre, il ôte son chapeau. Ah, violon, petit frère. On a aussi un cran au-dessus. Le sire de Chamblay, lui, parle de son sceptre rutilant. Guillaume Apollinaire décrit amoureusement son bel engin. Et le comte de Mirabeau admire son propre bijou. D'autres parlent de joyaux et d'autres parlent même aussi de leur obélisque. On le voit, quand un garçon regarde son jouet, la modestie n'est pas en option. Toutes les femmes devant toi sont à genoux. Et c'est pas difficile à comprendre. Car évidemment, derrière tout cet amour, il y a la certitude que la dame sera contente. Alfred de Musset vante son élixir prolifique, je cite. D'autres parlent d'eau bénite ou d'eau de vie parfumée. Là aussi, citation. La semence est précieuse, on l'a comprise, et il y a dans le livre la reproduction d'une carte postale de 14-18 que j'adore. Il y a écrit un bon coup de baïonnette. Et on y voit une baïonnette à laquelle sont suspendus trois bébés emmaillotés. Et ces trois bébés, ils regardent un bon de permission de 6 jours et on lit « Bravo poilu !» Donc ça veut dire que, ben oui, un bon coup de baïonnette pendant la permission et la démographie française repart. Et ces cartes postales qui émaillent tout le texte... La démographie aussi, ou démocratie. J'ai dit quoi ? Démocratie. Ah ben démographie, peut-être sans doute les deux, effectivement. Mais ces cartes postales, elles ont beaucoup d'humour. On a compris que le langage s'amusait beaucoup avec le sexe. Et il y en a une autre que j'adore, où on voit... deux images. On voit d'abord une dame noble dans son jardin, qui est penchée vers la terre. Et puis à côté, la même dame noble occupée avec des messieurs d'église. Je cite, « Il faut dire, la marquise a bêché 3 allées, et non pas, la marquise a léché 3 abbés. » Ce qui ferait Grégory Dersel un excellent titre de film érotique, La marquise a léché 3 abbés, je vous le laisse. Je vous redonne les références. Merci. Les mots qui font mal de Jean Fexas et Emmanuel Pierrat, c'est paru aux éditions Eubek. Merci Clara Dupont-Mono. Mais oui, t'as des bonnes idées de titres de films, on en a plein. Hein. Vous n'avez pas fait 2 points Godwin pendant votre chronique, hein. Juste non, un point. Je voudrais vous dire que dans le Pariscope, durant les fins années 80, dans le Pariscope, juste regarder les titres des films pornographiques était en soi un grand moment et il y en avait un qui était. Tourne ton cul que je marque un but. Qui m'a beaucoup marqué. Très bien. Eh bien, on va passer au troisième sujet de cette émission. C'est F comme salope. J'ai jamais compris. D'accord. Donc, le troisième sujet, c'est une bande dessinée qui raconte les dessous d'un film porno. Ça s'appelle Explicite Carnet de tournage. C'est publié chez Delcourt. Il existe aussi des séries télé sur les coulisses du X, même si le milieu n'est plus toujours parfois ce qu'il était. Génération de merde! Le cul, moi, quand j'ai commencé, c'était le vrai symbole de la révolution! Pour des pauvres clips, là, de 2 minutes pour se dégorger! Aucune conscience politique, là, vous me dégoûtez. Oh, mais ça va, t'excite pas, on n'est plus en 68. Bon, alors toi, tu vas brouter tes fleurs, puis t'arrêtes de me faire chier. Extrait de Art sur Canal+, ça aurait pu être une phrase de votre papa, alors là, mais non, maintenant, vous n'avez plus de conscience politique, quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai entendu beaucoup de producteurs parler ainsi. C'est vrai. Alors, c'est une bande dessinée, il y avait une pleine page hier dans Le Parisien aujourd'hui en France. Non, c'était avant-hier, dans Le Parisien aujourd'hui en France. Alors, c'est une bande dessinée sur les coulisses du X, mais sans image de sexe. Ça veut dire qu'il y a un intérêt au porno en dehors du sexe. C'est-à-dire que ces coulisses fascinent sans forcément qu'on y montre des choses. C'est vrai que c'est un... De toute façon, le X, qu'on le veuille ou non, c'est le reflet de la société. Hein. Donc voilà, les actrices, on veut toujours les faire passer pour des nanas complètement dingues, etc. C'est juste des femmes assumées, qui sont exhibitionnistes, et voilà, et qui ont la volonté de faire ce qu'elles font. Et ensuite, il y a tout un petit monde qui gravite autour de ça, tout le monde a ses bonnes raisons. Et c'est vrai que ça peut être un milieu touchant, passionnant, tout ce qu'on et, veut. Ouais. Et vous sentez la curiosité qu'il y a pour les coulisses? Parce qu'il y a notamment, évidemment, donc Ard, on a entendu un extrait, il y a cette bande dessinée qui sort. Il y avait aussi un moment, une série qui s'appelait Xanadu sur Arte, quand même. Tout le monde veut savoir, tout le monde rêve, c'est la fantasmatique. Mais nous, on ne la dévoile pas, parce que c'est un peu briser le côté magique et fantasmatique de tout ça. Ouais. Mais ça valorise votre boulot, ça, ces BD ou cet intérêt ou, Oui et non, ça dépend, c'est comme partout. Quoi, hein, si vous montrez le milieu de la radio, les arrière-plans de la radio, c'est pas fort. Voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, comme partout. Ouais. Et dans Art, par exemple, est-ce que ça ressemblait? Forcément, en matière de sexe, et surtout en France, on a besoin forcément de tirer le trait. Et quand on parle de sexe en France, il faut toujours avoir un côté, il faut dénigrer, il faut surtout dire « j'en parle, mais attends, j'adhère absolument pas, c'est horrible, c'est abominable ». Bon, ça commence tout, commence tout juste à nous, évoluer en France. Ça, hein. C'est symptomatique. Donc, il y a toujours un peu ce côté, forcément, une actrice, elle peut pas être actrice volontairement, quelqu'un l'a forcée, ou alors c'est une pauvre fille, ou n'importe quoi. Il y a toujours ces idées-là, ça rassure tout le monde, c'est très bien. Et c'est vrai que pour le mal latin qu'est le français, c'est toujours un peu traumatisant. Il y a quand même un rapport nanas de domination. Ça rassure toujours, forcément. Oh bah, les nanas, ça me rassure pas, mais... c'est quand on a une fille comme Katsuni, actrice, qui est hyper volontaire, qui fait ça, exhibe, et qui le dit clairement, j'emmerde tout le monde et j'emmerde les mecs, je m'exhibe, je prends mon pied comme je veux, et en plus je le fais devant une caméra et c'est mon choix de vie. C'est sûr que le mal latin, en général, en prend plein la tête et complètement déstabilise. Le mal latin va parler. Spécificité française quand même. Dans les années 70, il y avait un producteur qui s'appelait Benazeraf et qui faisait réciter des textes marxistes-léninistes à ses acteurs en pleine action. Il comprenait rien du tout, mais c'était son grand trip parce qu'il pensait qu'il faisait de la subversion. Il est plus là, hélas, je crois. Il s'appelait José. Vous l'avez connu? Non, moi je l'ai pas connu. Mon père, oui, mais effectivement, ouais, c'est le cas. Ouais. Il y avait, c'est vrai qu'avant, on disait le X, c'était la transgression de tous les tabous. Et ça avait une certaine valeur politique à l'époque. En tous les cas, certains y voyaient un message politique. C'est vrai que ça a complètement disparu parce que le X aujourd'hui ne transgresse plus rien. Ah oui, donc ce qu'on a entendu dans l'extrait, c'était vrai. Maintenant, vous n'avez plus de conscience politique. Il n'y a plus de transgression. Personne ne peut transgresser. Et transgresser, aujourd'hui, vous retrouvez banni au banc de la société. C'est plus possible aujourd'hui. Alors, les scénaristes de cette bande dessinée, hein, parue chez Delcourt, explicite carnet de tournage, disent ce qu'on avait envie de raconter, ce qu'on a vu, c'est par exemple les vacheries entre actrices, les pétages de plomb des acteurs ou les dialogues trash après le petit déjeuner. C'est le petit bout de la lorgnette. J'imagine qu'il y a d'autres choses, mais ça existe aussi. Mais bien évidemment, oui, comme n'importe où, comme sur un plateau. Pas plus développé, comme sur un plateau télé. Pas plus développé, non, mais forcément, vous mettez, c'est comme dans tout le, que ce soit le showbiz, tout le plateau de télé, tout le plateau de radio, des gens qui forcément ont un ego qui n'est pas forcément le même que tout à chacun. Vous les mettez tous ensemble, vous regardez, vous attendez 3 heures, 4 heures, 5 heures. Alors ici, il n'y a pas d'ego, vous nous embauchez quand vous voulez, vous allez voir, il va y avoir une ambiance allez-y si vous voulez. On peut même adapter le titre de notre émission. Ne généralisez pas. Allez, parce que nous, on s'intéresse avant tout, évidemment, à la presse et on fait une revue de presse, cette émission, parce que là, ça commence à partir en ces trois petits points. Win, the yes. What do you want? Me to go back. Need the no to win. No, no, there's no problem. News, ok. kilos. There is a bit more. Je vous le mets. Je fais juste un point tweet pour dire que le hashtag annule tout a été retweeté par Marc Dorcel et par Xstar News aujourd'hui, ce qui est quand même un... Et quelqu'un nous dit, Seb, j'ai un collègue qui croyait que les confessions d'un boudoir racontaient les aventures d'un biscuit. Ce que je trouve assez drôle. Voilà. Très bien. Allez, on commence par une étude sur les villes où il fait bon vivre en tant qu'expatrié. Oui, une étude de Mercer qui classe 230 grandes villes du monde. La première, c'est Vienne. La deuxième, c'est Zurich, puis Auckland en Nouvelle-Zélande. Bruxelles arrive 22e, Paris 27e. Alors en revanche, Bagdad, très très mal classé. 230e, la surprise. Nouakchott et Kinshasa, c'est pas génial, génial. Et Damas n'est même pas dans le classement. Donc si vous êtes expat, qu'on vous propose un boulot là-bas, n'y allez pas. Très bien. Merci Alex Vizorek. Nous étions en compagnie de Grégory Dorcel. Oui, je voulais couper un petit peu. Hein. C'est mon petit côté castrateur. Voilà, écoutez, c'est comme ça. Non, c'est la castration de l'horloge. Comme ça, j'en ai pour demain. Ah, parce que vous faites les mêmes. Ah, bah, écoutez l'actualité. Allez, je rappelle Grégory Dorcel. Merci d'être resté avec nous. Je rappelle le film Hôtesse de l'air que vous pouvez voir sur dorcelvision.com. J'ai jamais fait autant de promos pour le porno de ma vie. Sur Inter, c'est peut-être la première fois d'ailleurs. Ah, d'accord. Alors, donc, on me dit dans l'oreillette qu'il y a une petite erreur de chiffre sur évidemment, ma page, vous pouvez faire une blague. Lancez-moi sur une petite blague. Eh ben, vous vouliez parler d'un autre classement, mais vous n'avez pas voulu m'en dire plus. Mais voilà, c'est une tweeto qui m'a envoyé cet article, Desin Rock. Les 30 femmes à suivre sur Twitter, et Charline, vous êtes 7e des 30 françaises à suivre sur Twitter. Ça aurait été dommage de ne pas le dire. Ben voilà, première Christiane Taubira, deuxième Christine and the Queen, et vous devancez Nadine Morano, 22e qu'il faut suivre sur Twitter. Et puis une autre info qui nous vient d'Angleterre, un job à 4 500 € que les gens ne veulent pas faire. Et vous savez ce que c'est ce job? C'est rechercher le sexe des poussins. C'est-à-dire que vous voyez passer les poussins, il faut les classer, les hommes ou les femmes, et c'est 3 ans de formation pour arriver à le repérer en 3 secondes. Et donc les gens ne veulent pas faire ce job, donc il y a de l'emploi à 4 500 € par et mois. Et après, les mâles sont broyés. Très bien. Mais écoutez, moi je dis, ça vaut la peine qu'on soit revenu sur vos infos. Hein, oui. Ça, voilà. Et comme ça, je peux rappeler la sortie du film Hôtesse de l'air sur dorcelvision.com, Dorcel TV. Si vous en vendez plus que les autres, vous revenez nous voir pour le suivant. Faites-vous plaisir. Merci Grégory Dorcel, on était content d'avoir un patron d'entreprise avec nous pour éclairer tout ça. Et d'ailleurs, ce petit mot de la fin vous est entièrement dédié. Sinon, il y a les basiques. Le rabbit, la vaginette, le stéthogode et le produit phare de la collection, le god la poutre.